Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Tous les anthropologues vous le diront. Les mythologies révèlent beaucoup de choses sur la mentalité de leur époque. C'est évidemment le cas du mythe de l'Eldorado, un récit très populaire et très vivace pendant la conquête de l'Amérique par les Espagnols. Cette terre fantasmée qui devait regorger d'or était censée se trouver en Amérique du Sud, donc, quelque part entre le Venezuela et la Guyane. Une localisation qui ne devait rien au hasard, évidemment. Il y avait bien de l'or dans le Nouveau Monde et des populations qui connaissaient le travail de l'or. Mais du mythe à la réalité, le contraste était brutal, évidemment, et un certain nombre d'explorateurs et d'aventuriers ont d'ailleurs laissé leur vie dans des expéditions mal préparées, des voyages organisés sur la foi de rumeurs et de récits exagérés bien au-delà du raisonnable. De Belalcazar à Don Lope de Aguirre, qui était interprété par Klaus Kinski dans un film fameux de Werner Herzog, voici l'histoire de quelques-uns de ces explorateurs en quête de l'Eldorado. C'est le troisième volet d'une série de quatre émissions de Marie-Hélène Freissé en 1983 sur les pays où l'on n'arrive jamais. En ce temps-là, la Terre n'était pas bouclée sur elle-même. Sur les cartes, les continents déjà connus s'effilochaient en pointillés, en s'éloignant de l'Europe. On mettait des mers là où il n'y en avait pas, on prenait les Antilles pour les Indes ou pour l'Empire du Grand Khan. Les frontières, les limites du savoir humain à propos de la Terre, cette boule de feu refroidie sur laquelle il nous est donné provisoirement de vivre, ces limites restaient à dépasser. Au-delà d'elle, l'imaginaire avait tout loisir de conjuguer les récits des marins, les chroniques, vraies ou fausses, avec la soif d'ailleurs, la soif de richesse, de bonheur ou d'absolu. C'est ainsi que sont nées, au cours de l'histoire, dans l'esprit des hommes, des contrées fabuleuses qui ont parfois été l'objet de véritables expéditions, parfaitement vaines, bien sûr. Ces pays où l'on n'arrive jamais, Marie-Hélène Freissé, Noureddine Sanouni, aujourd'hui l'Eldorado avec Charles Minguet. La conquête du nouveau continent au XVIe et au XVIIe siècle avait un objectif principal, c'était de trouver de l'or et des métaux précieux. Les conquérants les plus officiels, que ce soit Christophe Colomb ou Jacques Cartier, étaient donc avant tout chargés de trouver de l'or. La rapacité de l'Occident, qui n'hésitera pas à massacrer tous ceux qui interfèrent, les Indiens bien sûr, et puis aussi comme autre motivation la quête purement individuelle de la fortune, tout cela va faire naître à l'horizon de l'Ouest un pays mythique, le royaume d'Eldorado, en deux mots, cela veut dire l'homme d'or, un pays dont l'existence supposée, dont la rumeur, va se maintenir pendant plus de deux siècles. Au temps de la conquête, un Indien arrive dans une propriété de l'intérieur du Venezuela, dans la province d'Aragua, et raconte. Il disait venir du fond d'un monde ignoré. En marchant, il avait vu passer plus de 100 lunes. Sous ses pieds, l'aspect de la terre changeait. Il avait vu des oiseaux comme des joyaux, des parasites gigantesques, des tigres de soie jaune, du gibier blanc. Il avait traversé des plaines sans rien voir d'autre pendant des jours et des jours que la savane. Il traversa des fleuves larges comme la mer où dorment toutes les pluies. Un jour, là-bas, au plus profond de ce que l'on ignore, au bord d'un lac violet, il avait vu l'autre rive. Et là-bas, une ville tout en or qui semblait en feu. Dans cette splendeur immense, l'air et la terre brûlaient. En mille gerbes de reflets scintillaient des pierres rouges, des vertes et d'autres blanches comme un fragment du soleil. Il ne s'agit pas d'une région au début, n'est-ce pas ? Il s'agit plutôt d'un mythe local qui a été repris par les conquérants espagnols. L'Europe cherchait de l'or partout et on va espérer en trouver, surtout, en Amérique. C'est d'ailleurs après la conquête et la découverte. Le mythe de l'Eldorado est cependant fondé sur une réalité. Étant donné que les expéditions espagnoles qui partent à partir des années 1530, 35, 40, vers le nord, en particulier, nous sommes en Amérique du Sud, n'est-ce pas ? Alors, ces expéditions qui partent du Pérou, qui a été le premier pays conquis, à l'instigation de Francisco Pizarro, vont vers le nord, vont conquérir le royaume de Quito, c'est-à-dire l'Équateur actuel, et ensuite vont arriver sur le plateau de Bogota, c'est-à-dire le lieu où se développaient les civilisations Muiscas et Chibchas. Ces Indiens des hauts plateaux colombiens connaissaient le travail de l'or, contrairement à ceux que Christophe Colomb a découvert dans les Antilles, c'est-à-dire les populations caribes et arawak, qui possédaient quelques objets d'or, quelques bijoux, mais qui ne les fabriquaient pas. Ces bijoux venaient d'un commerce que les Caribes ou les Arawaks des îles, des Antilles actuellement, retiraient du trafic qu'ils faisaient avec les Indiens de la terre ferme, c'est-à-dire du plateau de Bogota qui se trouve dans la partie occidentale des Andes. Alors, ce qui est curieux, c'est que nous assistons à deux phénomènes. D'abord, l'Eldorado n'est pas un pays au début, c'est un homme. Et en second lieu, lorsque on donnera à ce pays, précisément à ce haut plateau de Bogota, le nom de vallée de l'Eldorado, rapidement, le lieu géographique de cet Eldorado va se déplacer vers l'est. Alors il y a donc plusieurs Eldorado géographiques. Il y a plusieurs épisodes donc qui ont donné naissance à ce pays d'Eldorado. D'abord, vers 1540, un lieutenant de Pizarro, il s'appelle Bel Alcazar, capture plusieurs Indiens, dont l'un s'appelle, il l'appelle, Indio Dorado, l'Indien en or. À partir de ce moment-là, sur le haut plateau de Bogota, les Espagnols ont donc le contact avec cette civilisation indienne et ils commencent à acquérir un butin considérable, dont on peut voir d'ailleurs encore aujourd'hui une partie au Musée de l'Or de Bogota. Et puis il y a une autre tradition, celle de la lagune de Guatavita, dans laquelle, rituellement, les Indiens avaient l'habitude de jeter des bijoux et de l'or. Le chef de ces Indiens, ce sont des Chibchas, montait sur une barque, il était nu, il avait le corps couvert de résine et sur cette résine était collée de la poudre d'or. Il allait au milieu de la lagune, il se frottait avec des herbes et toute la poudre d'or tombait dans l'eau. C'est pourquoi Bel Alcázar va baptiser toute cette région du haut plateau de Bogota la vallée du Dorado. Dans cette recherche de l'or, Bel Alcázar n'était pas seul. Un certain nombre d'expéditions entre 1540 et 1560 est lancé depuis le sud, comme je disais, du Pérou. Quelquefois, des expéditions sont lancées depuis le Venezuela, voyez. Et ce qui fait que dans ces années 1540-1545, trois expéditions armées se sont retrouvées sur ce plateau. Il y avait d'abord Bel Alcázar, il y avait ensuite un Allemand, Federmann, là c'est un autre aspect aussi de la conquête, Federmann, qui venait du Venezuela, et Jiménez de Quesada. Alors la légende de ce pays de l'or, de cette vallée de l'Eldorado, donc va se répandre rapidement parmi les soldats de ces trois expéditions, comme une traînée de poudre. Dès que la phase colombienne est terminée, les expéditionnaires vont chercher ailleurs cet Eldorado qu'ils n'ont pas trouvé, ou dont ils ont trouvé, ils croient avoir trouvé une partie. Parce que ce qu'il faut dire aussi, lorsque les étrangers, les Espagnols, arrivaient à un endroit où il y avait de l'or, les Indiens, évidemment, d'abord étaient dépouillés, et les Espagnols demandaient encore plus d'or. Et les Indiens avaient pour coutume de dire « il y a de l'or ailleurs ». C'était une façon, peut-être, de s'en débarrasser. La même aventure est arrivée à Colomb. Chaque fois que Colomb arrivait dans une île, il arrachait les quelques objets d'or qu'il pouvait rafler et il demandait où était l'or, la grande quantité. Et chaque Indien disait, écoutez, dans l'île voisine, il n'y a plus d'or qu'ici. C'était un procédé. Alors évidemment, ceci a contribué aussi à perpétuer cette légende, puisque chaque Indien promettait l'or ailleurs. Toute la ville est en or, les murs, les toits, les rues. Ils ont des idoles aussi grandes que moi, toutes en or massif. Et la cité est aussi grande que Séville, avec ses ponts, ses tours. El Dorado, qui est le roi, est recouvert de poudre d'or, et lui comme une pièce neuve. Tout est jaune d'or, tout est en or. La nuit, il paraît que cela reluit comme les braises d'un brasero. Camino de El Dorado, Arturo Uslar Pietri. Très curieusement, le pays de l'Eldorado va se déplacer de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire qu'il va parcourir tout le nord de l'Amérique du Sud, depuis donc Bogota jusqu'au Guyane. Alors nous avons un second Eldorado qui a été recherché précisément par les Vénézuéliens, disons, les Vénézuéliens allemands, n'est-ce pas ? C'est le pays qu'on appelle le territoire de la Parima, El Dorado de la Parima. Alors, dans toute cette partie, entre la Colombie et la Guyane, cette partie était une terra incognita, totalement inconnue, dans laquelle va s'ébattre l'imagination des conquérants et des expéditionnaires. Inutile de vous dire que toutes ces expéditions ont été très dures. Quelquefois, les gens qui partaient ne revenaient pas. Quelquefois, sur 300 hommes qui partaient, simplement 30 ou 40 revenaient. Ils étaient exterminés par les fièvres, les maladies, puis les Indiens également. La plupart de ces expéditionnaires dont je vous parle ont été tués par des flèches, empoisonnées ou non. Alors donc, on va rechercher dans la seconde époque le Dorado de la Parima qui est représenté, si vous voulez, dans l'imagination comme un grand lac. Certains expéditionnaires ont pu relever des détails géographiques et ils ont confondu les rivières et les lacs. Parce que quand ils arrivaient en période de crue, par exemple sur le Caroni, ou sur le Rio Paragua, ou sur l'Orénoque, ils s'imaginaient se trouver dans une mer, puisque ces fleuves ont des crues immenses, n'est-ce pas ? L'Orénoque peut avoir une largeur de 150 ou 200 km en période de crue, n'est-ce pas ? Et alors, ça, c'est le Dorado de la Parima, le lac Parima, qui est également compris, alors qui est compris, si vous voulez, entre voyez, la Guyane actuelle, l'Orénoque et l'Amazone, et la Colombie, c'est-à-dire un espace énorme. Alors là, on recherche d'abord la ville de Manaus, imaginaire. On recherche l'Eldorado des Omaguas, qui est une population indienne, et des Guaypes. Et là, on suppose qu'il existe des lagunes d'or et la ville du Roi Doré. Le Roi Doré, qui serait le Grand Paititi ou le Grand Mojo. Ces incursions se font le long des fleuves, quelquefois en descendant le fleuve, quelquefois en le remontant. Le Dorado des Omaguas se trouverait donc, d'après ce que l'on croyait à l'époque, entre les sources du Rio Negro, du Vaupés et du Jupura, vaste territoire. Arimuicapi, indien de la nation des Ipurucotos, descendit le rio Caroni et enflamma par des récits mensongers l'imagination des colons espagnols. Il leur montra dans le ciel austral les nuées de Magellan, dont la lumière blanchâtre était selon lui le reflet des rochers argentifères situés au milieu de la Laguna Parime. C'était d'écrire d'une manière bien poétique l'éclat des schistes micacés et talqueux de son pays. Un autre chef indien, connu parmi les Caribes de Sequebo sous le nom de Capitaine Jurado, essaya vainement de détromper le gouverneur Centurion. On fit des tentatives inutiles par le Caura et le Rio Paragua. Plusieurs centaines de personnes périrent misérablement dans ces folles entreprises. Alexandre de Humboldt voyage aux régions équinoxiales. Alors là, il faut rappeler aussi l'expédition de Lope de Aguirre, que vous connaissez, la colère de Dieu. Qui a donné lieu à un film. Lope de Aguirre, qui, à partir de 1560, vous voyez, a commencé à non seulement une rébellion contre le roi d'Espagne, avec son chef, le premier chef qui s'appelait Pedro de Ursúa, et une rébellion donc, et la recherche de l'Eldorado. Là aussi, il n'a pas trouvé cet Eldorado, il dit qu'il l'a vu de loin. L'expédition naviguait en vue de la rive droite et les hommes commencèrent à distinguer dans la savane la fumée de nombreuses cases. On voyait au loin de grands villages et quelques-uns prétendirent distinguer des tours et des murailles de chaux et de pierre. Comme les bateaux naviguaient près l'un de l'autre, les aventuriers se communiquaient leurs impressions. « Regardez ! Par là, on voit plus de 3 villes qui doivent être aussi grandes que Cajamarca. » Tous les hommes étaient sortis. C'est le pays des Omaguas, disent des Indiens brésiliens. L'angoisse paraissait s'être effacée de tous les visages. Tous montraient une expression de joyeux contentement. Ils montraient du doigt ce qu'ils voyaient ou devinaient dans le lointain brumeux. Vous voyez cette tour blanche? Là où sort cette fumée, c'est la ville du roi Dorado. Ils avaient l'impression d'avoir entre les mains le royaume fabuleux. Ils avaient oublié la peur, toutes les angoisses. Tout était passé, l'aube d'une vie nouvelle se levait. Là, enfin, après tous ces lieux et ces journées terribles, il y avait les Omaguas, leurs rois couverts d'or, leurs idoles d'or, leurs villes d'or, autant d'or que d'eau dans le fleuve inépuisable. Ils pourraient se baigner dans ces fleuves d'or comme jamais aucun être humain n'avait rêvé de le faire. Les exclamations fusaient. « Loué soit Dieu qui nous a conduits ici !» Au moment où plus personne ne l'espérait, nous avons découvert El Dorado. Mais très vite, ils s'éloignèrent de la rive pour naviguer dans le centre du fleuve. L'ordre était venu d'Aguirre. « comment le romancier qui a romancé un peu cette histoire d'Aguirre a pu imaginer que Aguirre a vu cette ville de Manoa ou cette ville d'or. Il s'en est écarté pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas expliquées. Voyez. Dans le Dorado de Somaguas, et enfin il y a également le Dorado de Raleigh. Alors ça c'est Raleigh, c'est en anglais. Alors là, pour Raleigh également, la ville de Manoa, pour Raleigh, serait un vaste lac, n'est-ce pas, appelé Mer Blanche. Raleigh a essayé de remonter l'Orénoque, il a fait 4 expéditions à partir de 1595, mais il a été obligé de s'arrêter parce qu'il n'a pas pu franchir les sauts du Caroni, les cascades du Caroni, les sauts du Caroni, qu'on appelle en espagnol Raudales. Et alors lui, alors Raleigh délire totalement. Il parle de la cité d'or et il parle d'un empereur inca de la Guyane. Les Incas sont déplacés du Pérou jusqu'en Guyane. Il croit, ou il veut faire croire à la reine, n'est-ce pas, Elisabeth, que le royaume de Guyane est dirigé par un empereur inca de Guyane, ce qui est tout à fait imaginaire. Et les Anglais, et Raleigh en particulier, les amis, pardon, les compagnons de Raleigh, avaient baptisé l'Orénoque même Rio Raleana. Vous voyez ? Ils avaient donc voulu donner le nom de Raleigh, de leur chef, à l'Orénoque. Pour enflammer l'imagination de la reine et pour obtenir les moyens d'une politique ambitieuse, Raleigh déploie tous les artifices de la flatterie. Il dépeignait à la reine les transports de ces peuples barbares à la vue de son portrait. Il veut que le nom de la Vierge Auguste qui sait conquérir des empires parvienne jusqu'au pays des femmes belliqueuses de l'Orénoque et de l'Amazone. Il assure qu'à l'époque où les Espagnols ont renversé le trône du Cusco, on a trouvé une ancienne prophétie d'après laquelle la dynastie des Incas devra un jour sa restauration à la Grande-Bretagne. Il conseille de placer, sous le prétexte de défendre le territoire contre des ennemis extérieurs, des garnisons de 3 à 4 000 Anglais dans les villes de l'Inca, en obligeant ce prince à payer annuellement à la reine Élisabeth une contribution de 300 000 livres sterling. Enfin, il ajoute, comme un homme qui prévoit l'avenir, que toutes ces vastes contrées de l'Amérique méridionale appartiendront un jour à la nation anglaise. Humboldt rapporte que les Indiens ont l'habitude donc de se coller des sortes de fragments de mica sur le corps. Comme ce mica a une couleur, comment dirais-je, un peu dorée, n'est-ce pas ? Il est possible que les Espagnols aient pris ce mica pour de l'or. D'ailleurs, le même phénomène se produit pour les pyrites du Caroni, puisque vous savez qu'actuellement, au Venezuela, nous avons une industrie sidérurgique extraordinaire, en raison de la présence de pyrites de fer très riches. Et pendant toute l'époque coloniale, les Espagnols se sont imaginés que ces pyrites, c'était de l'or. Vous savez que la pyrite de fer est jaune, comme ça, est très brillante. Alors voilà une explication, l'habitude qu'ils auraient eu de se parer de morceaux de mica, ou de se coller du morceau de mica sur le corps, vous voyez. Je voudrais vous rapporter quand même une observation intéressante à propos de ce mica, et l'éclat de ce mica, que nous rapporte également Humboldt, Alexandre. J'ai fait remarquer, dit-il, que le lustre argenté et la fréquence du mica ont contribué à donner à la Guyane une grande célébrité de richesse métallique. Le pic Calitamini, brillant tous les soirs au coucher du soleil d'un feu rougeâtre, attire encore aujourd'hui l'attention des habitants de Maipures. Maipures se trouve sur l'Orénoque. Ce sont des îlots de mica schiste situés dans le lac Amucu qui, d'après les récits mensongers des indigènes, augmentent par leurs reflets l'éclat des nébuleuses du ciel austral. Voyez ? Chaque pierre dans les forêts de l'Orénoque brille comme les métaux précieux. Si ce n'est de l'or, c'est la madre de l'oro, la mère de l'or. Ce navigateur assure avoir rapporté des gangues de quartz blanc aurifère et il cite, pour prouver la richesse de ces minerais, les essais faits par les officiers de la monnaie de Londres. Voyez. La plupart des expéditions que nous connaissons ont cherché l'Eldorado, ce qui a permis d'ailleurs d'abord la conquête ou la maîtrise de ces territoires, ensuite, comme dit Humboldt d'ailleurs, Cela a permis d'établir des cartes de ces régions. Sinon, nous n'aurions peut-être pas encore de cartes. C'est cette soif de l'or, n'est-ce pas, qui a mené ces aventuriers sur des chemins qui, quelquefois, étaient sans issue. Voyez-vous, Lope de Aguirre est mort tragiquement aussi. La plupart de ceux qui sont partis sont tous fait tuer. Je crois que la dernière expédition a été faite par un certain Centurion, qui était un gouverneur, en 1775. C'est la dernière expédition vers l'Eldorado. D'ailleurs, Humboldt dit, j'ai honte même de le dire, n'est-ce pas, de dire que, enfin, que c'était que encore en plein 18e siècle, certains habitants des colonies cherchaient encore l'Eldorado. Il y avait également une conjonction entre l'Eldorado et le lieu où vit le bon sauvage, vous voyez. Alors, à la fin du 18e siècle, le paradis de l'homme naturel se déplace vers Tahiti, à la suite des découvertes de Bougainville, vous voyez. L'Eldorado, ou plutôt le paradis de l'homme naturel, enfin le paradis terrestre, qui se trouvait donc en Amérique, et idéalement, vous voyez, idéalement, va se déplacer dans l'océan Pacifique. Et ensuite, il y avait une croyance qui est répandue dans tout le Moyen-Âge et qui s'étend même à l'époque de la découverte. La croyance selon laquelle les pays le plus près du soleil, les pays tropicaux si vous voulez, par l'influence du soleil, ont beaucoup plus de richesses dans leur sol que les pays des tempérés. On pensait que c'était le soleil qui produisait l'or, les perles et le corail, les émeraudes, vous voyez. Donc il y a une espèce de croyance très répandue qui fait que on va vers ces pays parce qu'on croit trouver la source, la madre de l'or, c'est-à-dire le soleil étant plus proche, il produit beaucoup plus d'or et de pierres précieuses que chez nous, voyez. Voilà, c'est la croyance. Mais les Espagnols n'étaient pas plus avides que les Français ou les autres. Je ne pense pas. Ces pays où l'on n'arrive jamais, troisième émission en roue libre, par Marie-Hélène Fraissé et Noureddine Sanouni, lecture Jacques France avec la participation de Charles Minguet, professeur à Paris 10, littérature et civilisation latino-américaine, mixage Hervé Levaux. Le thème aujourd'hui c'était l'Eldorado, comme on l'a entendu. L'équipe vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute de la chaîne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mars 1983. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits et sur l'application Radio France.